GFT, GFT. Hein? Ouais. De la baie. C'est pas l'oseille qui va soigner ma peine. Y'a encore des refrains qui manquent à l'appel. Un pied dans le bendo, j'ai cassé la scène. On fait des lourds, ils ont la haine. Blitz squad, Charo gang. Elle connaît le statut, elle connaît le statut. Le bolide est calé juste derrière la ceinture. Dis-moi c'est quoi ton blême. Baby tu sais que je blesse. Elle veut un face to face. Tous mes négros sont carbon. Tant qu'on arrive en caisse. Ils voulaient ma part du gâteau. Ils auront que les restes. Je leur mets des mbata, faut que je les laisse. Ils méritent même pas qu'on les regarde. Arrête de chacter devant les schnecks. Pour un coup de queue ça vire au drame. J'ai mis les affaires sous les sièges. Y'a même plus de ce plat pour mes armes. Les cons dépissent mes fesses et chaises. Pour le pis c'est pas rentable. Obligé de niquer le game. Tu sais qu'il y a plus rien en face. J'arrête pas d'encaisser du mauvais. On pense qu'il y a pas de taille. Obligé de niquer le game. Tu sais qu'il y a plus rien en face. J'arrête pas d'encaisser du mauvais. On pense qu'il y a pas de taille. Blitz quoi. C'est pas l'oseille qui va soigner ma peine. Y'a encore des refrains qui manquent à l'appel. Un pied dans le bendo, j'ai cassé la scène. On fait des lourds, ils ont la haine. Blitz squad, Charo gang. Elle connaît le statut, elle connaît le statut. Le brolique est calé juste derrière la ceinture. Blitz squad, c'est pas l'oseille qui va soigner ma peine. Y'a encore des refrains qui manquent à l'appel. Un pied dans le bendo, j'ai cassé la scène. On fait des lourds, ils ont la haine. Blitz squad, Charo gang. Elle connaît le statut, elle connaît le statut. Le brolique est calé juste derrière la ceinture. Tout le monde est parent, ça devient bizarre. Y'a que des envieux, tout le monde me disait. Toujours un belly. Très bien aiguisé, monte dans le Viano, y'a que des Yakuza. Vivi Escara, 800 mètres carrés. J'sais que les jaloux veulent que ça s'arrête. Tellement de charisme, mais crois que je suis qu'un riz. Tellement de charisme, mais crois que je suis qu'un riz. Blaise, si on dit on fait, si on dit on fait. Eux ils parlent mal, mais c'est sans effet, mais c'est sans effet. Yes, on arrive en chef. 10 balles sur la table, elle a voulu me faire. Obligé de niquer le game. Tu sais qu'il y a plus rien en face. J'arrête pas d'encaisser du mauvais. On pense qu'il y a pas des entailles. Obligé de niquer le game. Tu sais qu'il y a plus rien en face. J'arrête pas d'encaisser du mauvais. On pense qu'il y a pas des entailles. Blitz quoi. C'est pas l'oseille qui va soigner ma peine. Y'a encore des refrains qui manquent à l'appel. Un pied dans le bendo, j'ai cassé la scène. On fait des lourds, ils ont la haine. Blitz quoi. Charo gang. Elle connaît le statut, elle connaît le statut. Le brolic est calé juste derrière la ceinture. Blitz quoi. C'est pas l'oseille qui va soigner ma peine. Y'a encore des refrains qui manquent à l'appel. Un pied dans le bendo, j'ai cassé la scène.